Ils sont célèbres, ils ont marqué l'histoire de France, l'histoire du monde, l'histoire de nos pays de Savoie, et ils sont là chaque semaine pour nous faire découvrir un petit peu leur monde à eux. Ce matin, c'est un peintre, et toute cette semaine, c'est un peintre d'ailleurs que nous découvrons sur France Bleu dans les gens d'ici. C'est le peintre François Cachou, né à Chambéry, un peintre qui sera récompensé durant l'exposition universelle de 1900 à Paris. Christine Martinez. En 1896, François Cachou obtient une médaille de 3e classe au Salon de la Société des artistes français avec son tableau « Le lac de Lamartine » au Bourget. Le jeune peintre chambérien a 30 ans. Il est fasciné par la nuit. En entrant dans cette pénombre qu'il cherchera toute sa vie à saisir, François Cachou entre également dans sa première période que l'on a appelée la phase de recherche. De 1889 à 1906, l'artiste, qui maîtrise déjà parfaitement le dessin, approfondit sa maîtrise de la peinture et cherche sa marque de fabrique. C'est ainsi qu'il réalise ses clairs de lune. Et voici ce qu'il écrit à propos de cette époque. Que de recherches alors dans toutes les directions. Matinées de brume et de rosée, montagnes empourprées par les rayons du soleil couchant, soirées dorées. Il me fallait passer par toutes ces phases. Et sans aucun doute, ce n'était pas du temps perdu. Combien d'études, de dessins consciencieusement travaillés sur le vif. Et la connaissance bien approfondie des arbres, des ciels, de toute la région, devait me rendre capable plus tard de faire les belles simplifications que la nuit apporte à toute chose. Voilà donc ce que Cachou en dit et en écrit. Cachou qui cherche, qui apprend, essaye, travaille, sent et respire les heures de la journée et de la nuit. Il peint donc les brumes du matin sur le lac d'Aiguebelette, le soleil couchant d'un coin de Chautagne, le vallon des Charmettes, le crépuscule sur le Nivolet, la Chambotte embrasée par le soleil couchant. Cachou peint sa Savoie natale, les premières heures de la nuit et les dernières. Et puis il peint ce fameux lac de Lamartine, ce sera le nom de son tableau. Cachou est subjugué. Il peint donc ce temps figé. Le XXe siècle vient de naître et le lac de Lamartine semble l'accueillir avec coquetterie. Quelques barques sont amarrées au ponton. Le lac du Bourget, calme, accueille avec délicatesse les derniers rayons du soleil et quelques plaisanciers. Un bateau à aube a fini sa journée et s'est endormi sous la lumière qui décline. Tandis qu'un petit bateau à voile au beau milieu du lac semble pousser par l'ombre de la montagne vers le grand port d'Aix-les-Bains. Dans le ciel, quelques nuages déjà roses donnent un éclat particulier au bleu du ciel qui pâlit. La poésie du tableau de François Cachou est alors aussi belle que cette âme qu'il peint. Et cette année-là, en 1900, à l'aube donc du XXe siècle, Cachou reçoit un prix à l'Exposition universelle de Paris avec justement ce tableau. Et voici ce qu'il écrit, lui, à propos de ce moment particulier, je le cite. La nuit tombant sur le bord du lac du Bourget m'a profondément marqué. Et en peignant le lac de Lamartine, j'entre déjà complètement dans ma vision future. Les rochers sont réfléchis dans l'eau dormante. La ligne d'horizon est à peine perceptible. C'est l'heure du silence. Un bateau glisse doucement sur l'eau, tandis qu'un croissant doré apparaît dans le ciel qui pâlit. Les célèbres vers de Lamartine seront évoqués par ce tableau. Voici donc ce que Cachou dit de son propre tableau qui fait aujourd'hui partie des collections du département de la Savoie. Et c'est ainsi qu'il sublime la nuit, qu'il rend hommage à Lamartine. Rappelez-vous d'ailleurs ce fameux lac de Lamartine, « Autant suspend ton vol ». Et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Pour François Cachou, en tout cas, l'évidence est là. Le plus beau de nos jours, c'est bien la nuit. Voilà, et pour découvrir les œuvres de François Cachou, il y a une exposition qui aura lieu au Musée des Beaux-Arts de Chambéry entre le 1er avril et le 16 septembre de cette année. Vernissage le vendredi 31 mars. Et puis demain, on continuera d'évoquer la vie de ce peintre avec Christine, mais aussi Christophe Mottet, qui est l'auteur du livre « Les nuits de François Cachou, 1866-1943 » aux éditions du Berger. Un livre qui est sorti à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance du peintre. Je rappelle que si vous avez dans vos greniers, dans vos caves, des objets qui, à vos yeux, ont peut-être de la valeur, et c'est peut-être le cas, eh bien vous pourrez les faire estimer ce week-end sur France Bleu entre 9h et 10h. Ce sera dimanche matin, puisqu'aux côtés de Norbert Lenôtre, on retrouvera notre expert Mickaël Bénour, qui est commissaire-priseur. Alors si vous avez des objets comme cela dans vos caves, dans vos greniers, prenez-les en photo, envoyez-les dès maintenant à l'adresse bleuservice@radiofrance.com, bleuservice tout accroché @radiofrance.com. Et puis dimanche matin, Mickaël Bénour